Pour cette seconde séance intitulée « La normativité des doctrines », nous recevons Paola Vismara de l'Université de Milan et Philippe Huygen de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avant de vous présenter, je dis quelques mots sur votre auditoire. Nous saluons le professeur Gianfranco Armando, archiviste aux archives secrètes du Vatican. Et puis le reste de votre auditoire est composé de membres de l'école française, de boursiers liés également à l'école française, qui séjournent à Rome, qui travaillent sur les quatre périodes historiques, anciennes, médiévales, modernes, contemporaines, en thèse ou en recherche postdoctorale. Je remercie également pour la tenue du séminaire Claire Chaléa, qui s'est admirablement occupée, comme à l'accoutumée, de tout ce qui concerne l'administration, et également Arnaud Fossier et Guylaine Studer, qui coordonnent l'ensemble du séminaire. Paola Vismara, vous êtes professeure ordinaire d'histoire à l'Université de Milan. Votre œuvre est immense. Je ne me concentre que sur quelques points. L'objet privilégié de vos recherches est le catholicisme du XVIIe et XVIIIe siècle, ou plutôt les catholicismes, comme vous avez intitulé l'un de vos recueils, Catholicesimi. Et si le catholicisme ne présente pas dans votre œuvre une physionomie monolithique et compacte, c'est grâce à la complexité presque contradictoire sur certains aspects que vous avez réussi à lui restituer en étudiant tous les aspects. Vous avez pratiqué l'histoire de la culture populaire et des pratiques dévotionnelles, avec notamment l'un des livres publiés à l'école avec Bernard Dompnier. Vous avez pratiqué l'histoire institutionnelle, l'histoire de la culture savante et de la doctrine. Vous avez étudié le rôle de l'érudition et de l'histoire dans la formulation du discours ecclésiastique, les rapports du catholicisme avec l'économie, également les rapports du catholicisme avec la politique. Et ceux qui connaissent vos travaux savent que l'intérêt pour la Lombardie moderne, chère à la Milanaise que vous êtes, traverse toute votre œuvre d'historienne. Vous nous disiez hier soir que vous étiez plus souvent à Paris qu'à Rome, et effectivement, vous êtes l'une des modernistes italiennes les plus familières du monde académique français. Et on le doit, outre à la qualité de votre œuvre, à la maîtrise de la langue de Bossuet, dont vous nous ferez profiter encore aujourd'hui, même si, puisque le français sera la lingua franca de cette séance, on pourra, puisque en grande partie l'auditoire est français. Philippe Huygen, vous êtes professeur de philosophie des religions à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis la rentrée 2011, et vous étiez auparavant chargé de recherche, puis directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire d'études des monothéismes à Villejuif. Vous avez également passé 4 ans dans une des institutions cousines, la mission française en Allemagne, à Göttingen. Votre production est tout aussi impressionnante, et je vais essayer d'en tracer les contours en quelques mots. Je crois que la plupart de vos travaux s'inscrivent dans le champ large de l'histoire des doctrines philosophiques dans les pays de langue allemande, et se concentrent sur les interactions entre ces doctrines et la production théologique issue du protestantisme luthérien dans une large période qui va de Martin Luther, auquel vous avez consacré plusieurs travaux, à la première moitié du XIXe siècle. J'ajoute également que, en fait, il me semble que, et ça pourrait être également un point discuté au cours du séminaire, votre pratique de la philosophie et de l'histoire de la philosophie se nourrit en profondeur de l'historiographie. Et les objets que l'on croyait connaître ne nous reviennent jamais indemnes une fois que vous en êtes saisi. Le principal de ces objets très familier aux historiens modernistes est celui de confession, qui est la forme de groupement humain caractéristique dans l'Europe moderne à partir des années 1520, où se mêlent les dimensions doctrinales, sociales, politiques, culturelles, religieuses. Mais aujourd'hui, l'objet de ce séminaire est une autre notion que vous avez saisie, qui est celle de doctrine. Dans le cadre de ce séminaire sur les normes, intitulé « Que font les normes ?», il nous avait paru intéressant d'interroger un régime normatif disparu, ou presque, celui des doctrines, et qui pourtant semble omniprésent tout au long d'un long Moyen-Âge, disons jusqu'aux Lumières. Il s'agit simplement d'interroger le caractère normatif de la doctrine, ou en quoi la doctrine a-t-elle pu être une norme du vrai et du bon. Alors, même si Aurélien m'a fait remarquer il y a 5 minutes que la doctrine était l'affaire des docteurs et que donc les doctorants feraient mieux de se taire, je rebondis quand même sur ce qu'il vient de dire, parce que, en effet, à bien des égards, l'âge des doctrines semble révolu. Et néanmoins, on s'aperçoit que dans un certain nombre de domaines, la notion de doctrine perdure et continue d'être utilisée de manière courante. Alors, j'en prendrai simplement deux exemples. D'abord, l'exemple du droit. La doctrine juridique, c'est l'ensemble des commentaires, des interprétations, des théories, des opinions formulées par les juristes. La doctrine n'est pas l'expression d'un point de vue extérieur au système juridique, mais elle en fait partie intégrante. Elle est reconnue comme une source du droit et elle peut être invoquée pour trancher des litiges. La doctrine juridique contribue donc à l'édiction des normes. Le deuxième exemple, je le prendrai dans le domaine des affaires dites stratégiques. Et plus précisément, je me suis intéressé au concept de doctrine militaire, qui est un concept qui continue de jouer un rôle important. Alors, je suis tombé sur un texte de Ferdinand Foch en 1903. En fait, c'est un recueil de leçons qu'il a adressées à l'école de guerre. Et la première de ces leçons était consacrée à la question de l'enseignement de la guerre. Il posait une question en introduction. Est-ce que la guerre peut être enseignée? Et c'est dans ce cadre-là qu'il avait recours à la notion de doctrine. Il disait la forme d'une théorie de la guerre, que l'enseignement de la guerre prenait la forme d'une théorie de la guerre que l'on peut enseigner et que l'on vous enseignera, et la forme d'une doctrine que l'on vous apprendra à pratiquer. Par ces mots, il faut entendre la conception et la mise en pratique non d'une science de la guerre ou d'un dogme fermé, lot de vérités intangibles hors desquelles il n'y aurait qu'hérésie, mais bien un certain nombre de principes indiscutables, ceux-là, quand ils auront été établis, d'une application variable suivant les circonstances. Et il ajoutait que la doctrine était destinée à donner à tous ceux auxquels elle était enseignée une même manière de voir, de penser et d'agir. Et c'est un concept qui est toujours aujourd'hui employé dans les milieux militaires, et c'est intéressant de voir cette survivance. D'autant plus que je crois qu'on est frappé, quand on regarde la manière de définir ce concept, par les similitudes que cela présente avec ce que médiévistes et modernistes entendraient par la doctrine. On retiendra en particulier que la doctrine relie le savoir et l'action, la théorie et la pratique, qu'elle peut s'enseigner, qu'elle prescrit des normes, qu'elle comporte des principes intangibles, mais qu'elle est aussi vouée à s'adapter au cas. Alors, l'on trouverait facilement de nombreux autres domaines où la notion de doctrine continue à être employée, mais ces permanences remarquables ne peuvent masquer le fait évident que cette catégorie est très largement tombée en désuétude. Elle perdure dans un certain nombre de champs bien définis, mais elle n'a plus la place qu'elle occupait dans les savoirs et les édifices normatifs du Moyen-Âge et des temps modernes. On ne peut ignorer enfin que le sens commun du mot doctrine est devenu négatif. La doctrine, ce serait le propre du doctrinaire. Elle aurait partie liée avec un dogmatisme étroit. Elle serait empreinte de rigidité. En somme, la doctrine se prêcherait, mais ne saurait désormais s'enseigner. L'enseignement de la doctrine, ce serait l'endoctrinement. D'une certaine façon, la voie est libre pour l'historien, qui n'aime rien tant que de travailler sur un champ de ruines. Les choses ne sont pas toutefois si simples, parce que le doctrinal a longtemps représenté l'autre de l'historien. Et je voudrais en prendre un seul exemple avec un texte de 1909, un texte de l'abbé Jules Pacquier. Pacquier était l'auteur d'une thèse qui fait toujours référence sur l'humaniste Jérôme Alléandre. C'est un très bon connaisseur des archives européennes. Mais en 1909, il choisit de publier en fait une sorte de manuel qui est le recueil des leçons qu'il avait adressées à l'Institut catholique, qui était consacré au jansénisme, et le titre de l'ouvrage, c'était « Le jansénisme, étude doctrinale d'après les sources ». Et la préface est très révélatrice d'une certaine façon d'envisager la doctrine en histoire. Pacquier notait en effet d'emblée « Le jansénisme peut être envisagé à deux points de vue principaux, au point de vue historique et au point de vue doctrinal. Dans les leçons qui suivent, c'est surtout le côté doctrinal que j'ai étudié. » Il expliquait ensuite pourquoi, en disant que ça répondait au désir de son public, qui, disait-il d'ailleurs, était composé largement de laïcs. Alors, cet auditoire serait plus heureux d'entendre cet exposé de doctrine que d'apprendre des détails plus ou moins piquants sur les querelles et les habitudes des jansénistes et des jésuites. Il précisait plus loin les parts respectives de l'histoire et de la théologie. En consultant les références aux ouvrages que j'ai utilisés, le lecteur, je l'espère, constatera que ce tableau n'a rien de fantaisiste et d'a priori. Pour exposer la doctrine janséniste, en regard à la doctrine catholique, j'ai toujours visé à puiser aux sources jansénistes et catholiques les plus autorisées. Si la doctrine est au premier plan, les renseignements historiques forment constamment le fond du tableau. Alors, on voit très bien ici que le gage de sérieux qui consiste à citer ces sources à la manière des historiens ne masque pas la condition ancillaire faite à l'histoire. Celle-ci était vouée à planter le décor en donnant le contexte des doctrines. L'on comprend aisément dès lors qu'il était difficile de faire l'histoire de la catégorie de doctrine dans un domaine, l'histoire religieuse et plus spécifiquement l'histoire de la théologie, qui s'y prêtait pourtant à l'évidence. Dans une conférence prononcée ici même en 1981 par Bruno Neveu, celui-ci avait défendu la mission propre de l'historien par rapport à celle du théologien en proposant d'enraciner la végétation dogmatique dans l'humus des faits. Prendre la mesure du doctrinal dans les sociétés du passé suppose donc de reconnaître au préalable qu'il existe des faits doctrinaux. J'achève cette présentation de la séance en rappelant comment est-ce que cette séance a été préparée. L'idée en avait été donnée par la lecture d'un article de Philippe Bugen, coécrit par Philippe Bugen, à l'occasion d'un chantier lancé lors de son séjour en Allemagne, je crois. Il y a 5 ou 6 ans, ce chantier sur la doctrine a été initié, co-dirigé par Philippe Bugen, et un ouvrage en est déjà sorti, d'autres sont sous presse. Cet ouvrage s'intitule « Vera doctrina, l'idée de doctrine d'Augustin à Descartes ». Il vient d'arriver au Palais Farnèse. Et nous avons fait circuler l'introduction aux auditeurs du séminaire. Cette introduction ouvre de multiples pistes et nous avons proposé à Paola Wismara de tenter également de répondre à ces pistes. Ce qui nous paraissait intéressant dans les travaux de Madame Wismara, c'était d'une part qu'elle s'était intéressée tout autant aux productions intellectuelles qu'aux pratiques religieuses, ce qui permet de tenir ensemble toutes les dimensions des pistes que Philippe Bugen traçait sur la doctrine, nous allons y revenir, mais c'était surtout le travail colossal qu'elle avait mené sur la casuistique et sur la manière dont elle fonctionnait à l'occasion de son travail sur l'usure, où l'on voyait une doctrine malléable, une doctrine capable de s'adapter. Je la laisserai éventuellement y revenir. Les pistes de réflexion que nous avions proposées en amont aux intervenants pour cette séance étaient triples, on les a indiquées sur la présentation. Il s'agit tout d'abord d'essayer de définir la doctrine comme forme de pensée et règle de conduite, d'essayer de définir cet âge doctrinal, éventuellement son début, sa fin, son crépuscule. Le deuxième point était d'essayer de cerner ce qu'une histoire de la doctrine, des doctrines, peut apporter à l'historiographie. Et enfin, nous avions suggéré aux intervenants de s'essayer sur quelques exemples, par exemple les confessions de foi pour Philippe Bugen ou la casuistique en matière de morale économique pour Paola Wismara sur des travaux, sur les champs de recherche qu'ils ont déjà largement labourés. Je les remercie chaleureusement tous deux d'être venus à Rome pour cette séance, de nous apporter leur lumière sur la doctrine. Et je laisse tout d'abord la parole à Philippe Bugen, dont le travail a inspiré ce séminaire. Merci beaucoup à vous deux. Merci de votre invitation qui me touche beaucoup. Merci de votre accueil à Rome. Et merci de votre présentation à l'instant. Vous avez eu donc la gentillesse de m'inviter à parler d'un objet que virtuellement tout médiéviste, tout moderniste, et en vérité je ne devrais même pas parler de période, je devrais dire tout latiniste a rencontré au moins une fois dans ses sources, de quelque nature qu'elle soit, la doctrina ou la doctrine. C'est dire aussi la difficulté dans laquelle je me trouve, que dire de ce que tout le monde a déjà vu une fois. Alors vous avez eu aussi la gentillesse de rappeler cette entreprise lancé il y a quelques années à la Mission historique française à Göttingen, pour définir quelques conditions permettant de traiter la doctrine en objet d'une histoire totale, histoire intellectuelle, ou précisément histoire doctrinale, histoire religieuse et histoire sociale de la doctrine. C'est ce projet que je voudrais aujourd'hui présenter en le rapportant aux questions de l'atelier telles que je crois les comprendre. Car on sent bien ici que la difficulté redouble. En faisant d'un objet connu de tous l'objet d'une histoire totale, a-t-on encore un objet ? C'est pourquoi il me faut commencer par les questions plus précises qui sont celles du séminaire, et en mixant, pour ainsi dire, l'intitulé général du séminaire et l'intitulé de la séance d'aujourd'hui, je propose de poser la question suivante. Comment la doctrine fait-elle norme ? Je propose 4 séquences pour cet exposé d'une dizaine de minutes chacune. Premièrement, jurer et professer la doctrine, première entrée dans la question de sa normativité. Deuxièmement, la doctrine comme forme, norme et enseignement, qui sera un moment plus général d'exposer des coordonnées du problème. Troisièmement, la doctrine et les pratiques, moment cette fois d'historiographie, plus critique. Et quatrièmement, doctrine, droit et confession, un essai d'application à une question plus particulière, mais qui, je le pense et je l'espère, nous réunira en vertu de ces enjeux particulièrement juridiques. Première séquence, donc, jurer et professer la doctrine. Alors, Aurélien Girard l'a rappelé en commençant, je suis professeur de philosophie et je travaille avec les historiens sur des objets qui sont, pour une très large part, d'abord les leurs. J'essaierai, autant que possible, et en tout cas dans les 3 premiers moments de l'exposé, de faire abstraction du terrain qui est le mien en philosophie et en histoire, celui du Saint-Empire romain germanique à l'époque moderne, et singulièrement dans les décennies de la Réforme, 1510-1560, mais il me fallait signaler cela pour la clarté de l'exposé. C'est très délibérément, du reste, que pour poser mon problème de départ, je vais sortir de ce terrain, sortir aussi de mes repères confessionnels habituels, et faire appel à un auteur français et à un auteur italien, un médiéviste et un moderniste, un philosophe et un historien. J'ai nommé Étienne Gilson et Paolo Prodi, tous deux, du reste, également grands philosophes et grands historiens. Je commencerai donc par une méchanceté assez suggestive d'Étienne Gilson. On la trouve dans un cycle de conférences de Gilson intitulé « Christianisme et philosophie » et paru en 1936. Il faut se représenter la scène. Un groupe d'étudiants de la faculté de théologie protestante de Paris avait très respectueusement invité le grand philosophe catholique à venir faire cours chez eux. Et, entre autres, amabilité décochée aux étudiants de théologie protestante, parce qu'ils n'ont pas été déçus de la visite, on pouvait lire ceci, c'est ma citation de départ, « Il est plus facile de professer une doctrine que d'y soumettre sa pensée. » Il est plus facile de professer une doctrine que d'y soumettre sa pensée. On comprend d'emblée que, selon Gilson, le vrai test de la solidité d'une doctrine, ce n'est pas de la proclamer, comme vous le faites, étudiant de théologie protestante, mais c'est d'y soumettre sa pensée, et là, vous allez voir ce que vous avez. Ce que j'aime dans cette citation, c'est sa manière de poser le problème de la doctrine pour les philosophes comme pour les historiens. Je m'explique. Ce que voit l'historien, ce qu'il voit dans ses sources, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui professent ou qui proclament leur doctrine. Ce que dit le philosophe, en revanche, c'est la normativité d'une doctrine, dans son sens le plus fort, apparemment, soumettre sa pensée. Qu'y a-t-il ici de plus normatif que l'imposition de cette soumission? Cela étant, je voudrais poser une question. Pourquoi cette dissociation entre la profession d'une doctrine, la confession d'une doctrine, et le fait d'y soumettre sa pensée? Nous avons tous intuitivement une idée de ce que c'est que professer une doctrine parce que nous avons tous vu des confessions de foi. Il n'en va pas de même pour ce qui est de soumettre sa pensée à une doctrine. Comment fait-on cela? Et plus encore, l'historien a-t-il accès à cette normativité-là qui est invisible et qui ne se consigne pas si facilement dans la source? Donc soumettre sa pensée à une doctrine, comment fait-on cela? J'aurais envie de répondre immédiatement, mais précisément, on fait cela en professant une doctrine. Au sens où professer une doctrine apparaît tout de même comme un moyen assez sûr pour y soumettre sa pensée. On a ici deux caractéristiques de cet acte de parole si particulier de la confession de foi qui rend cela possible. D'abord qu'une profession de foi consiste en un ensemble de formules, d'énoncés figés, posés comme vérité et que l'on répète, bon moyen de soumission. Et deuxièmement, on voit cela au fait que cette répétition profession se produit le plus souvent devant témoins, en collectivité, qu'il s'agit donc d'une activité sociale. Donc nous ne savons pas bien ce que veut dire soumettre sa pensée à une doctrine, mais nous savons que quand cette doctrine est religieuse, et j'utilise ici le terme au sens le plus indéterminé, volontairement, et que quand on se soumet à une telle doctrine, tôt ou tard, on la professe ou on la proclame. Tôt ou tard. Gilson le savait bien, du reste, lui qui clôt christianisme et philosophie par une dernière conférence intitulée l'intelligence au service du Christ-Roi. Nous sommes en 1936. Ces trois observations justifient, à mon sens, un certain nombre de premières questions qui permettront de cadrer le problème de la doctrine. Deux questions, pour le moment, qui se rapportent à ce que la doctrine nous dit de nos pratiques de la vérité. La première, c'est: qu'est-ce que c'est que se réclamer d'une doctrine? Et j'accentue ici le pronominal, le « se réclamer d'une doctrine », puisque ce que pose cette question, c'est aussi le problème du sujet de la doctrine et de ce que la doctrine fait à ce sujet. Deuxièmement, pourquoi faut-il que le vrai d'une doctrine, comme dit Gilson, soit proclamé? Que gagne le vrai à être proclamé et qu'advient-il de la vérité dans la proclamation? Voici donc ce que nous a fait découvrir Gilson et avec lui un premier usage de la doctrine, professer donc la doctrine. J'en viens à un second usage, jurer sur la doctrine, avec un nouvel objet, le serment donc, après la profession. Et cette fois-ci, je voudrais procéder d'une manière plus historienne en pointant un tournant dans une chronologie. C'est cela en particulier que je vais prélever dans le grand livre de Plodi, dans Il Sacramento del Potere, sur l'histoire du serment. Je m'en tiens donc à un aspect très particulier et très circonscrit du livre de Plodi. Plodi parle d'une première grande métamorphose du serment et il la situe autour de 1530. C'est le moment, dit-il, et je reviens à mon premier objet, la profession de foi, 1530, c'est le moment où l'évolution du serment rencontre la profession de foi. Je suis ici la description de Claudie, et je le cite. À ce moment, le serment se charge, au plan politique, d'un contenu doctrinal et idéologique typique de la profession de foi. Fin de citation. Deux paroles se rejoignent donc ici, la parole du serment et la parole d'une proclamation d'adhésion à des articles de foi. Ce qui relie ces deux actes de parole, c'est précisément la doctrine. Je cite à nouveau Claudie, « L'âge des confessions, ainsi qu'il l'appelle, est celui où le serment tend à engager des comportements intérieurs, des conceptions mentales, des doctrines. Il tend, je continue la citation, de plus en plus à impliquer l'adhésion à une école ou à une doctrine. » Fin de citation. Il semble donc que le serment connaisse quelque chose qu'on pourrait qualifier comme son tournant doctrinal à l'époque moderne. De fait, à partir des années 1530 dans l'Empire germanique, le serment se prête sur des textes intitulés « Profession » ou « Confession » qui formulent ou qui consignent des articles de foi. Vous jurez donc sur une confession de foi. Vous jurez, par exemple, sur la confession d'Augsbourg, Professio Fidei Augustene Confessionis, ou du côté catholique, à partir de 1563, vous jurez sur la Professio Fidei Tridentina. Pour le serment lui-même, l'appellation ordinaire pour cet acte que je viens de décrire est Juramentum Religionis. Elle a donné son nom à l'étude la plus complète sur le sujet, Juramentum Religionis, par un historien du droit allemand, Klaus Schreiner, paru en 1985 dans Der Staat, la revue du grand théoricien et juriste allemand Ernst Wolfgang Böckenförde. Il me semble que cette enquête sur le serment de confession à l'époque moderne est loin d'être close, malgré le travail de Schreiner. On a identifié les fonctions de ce serment, vérification de l'obéissance, contrôle des convictions, régulation de l'accès aux fonctions universitaires, ecclésiastiques et administratives. On a identifié les puissances, comme dit Schreiner, qui se réunissent dans ce serment de religion, puissance de préservation du droit, dit-il, puissance d'intégration du serment, puissance d'intégration politique et sociale des credos confessionnels, ainsi qu'il les appelle, et par là, évidemment, je cherche à circonscrire à nouveau la normativité de la doctrine, mais en vérité, l'application de ce serment de confession aux réalités locales commence tout juste à être étudiée, du moins pour le Saint-Empire ancien. Par exemple, si les textes sur lesquels on jure sont facilement accessibles, et ce sont précisément ces doctrines contenues dans les confessions de foi, les formules des serments sur ces textes sont encore mal connues, et à côté du jurement proprement dit, la signature qu'il était ordinaire, par exemple chez les luthériens ou les réformés, d'exiger au bas du texte de la confession de foi de la part de celui qui jurait, reste de même cette signature un phénomène mal connu et qui relève, pour une bonne part, d'une anthropologie de l'écriture. Mais plus profondément, il me semble que la description du phénomène dont je parle ici est condamnée à rester partielle si elle ne tient pas compte du fait que ce serment de confession est aussi, et peut-être d'abord, un serment de doctrine. Je veux dire par là que l'obligation créée par le serment se soutient d'une normativité complémentaire qui est la normativité de la doctrine elle-même. Cette complémentarité dont je parle, elle est donc rendue possible par une dissociation entre l'acte du serment, qui inclut sa formule, son geste, d'une part, et d'autre part, ce qu'on pourra appeler le support du serment, un support en l'occurrence doctrinal. On jure sur une doctrine, Et en un sens, tout est dans la signification à donner à cette préposition sur une doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est sans doute cette dissociation qui va maintenant nous autoriser à aborder pour lui-même l'objet doctrine au terme de la sorte de réduction chimique que j'ai essayé d'abord de procéder en partant du composé que formait doctrine, serment et confession. Donc j'en viens à ma deuxième séquence sur la doctrine comme forme, norme et enseignement. Alors Benoît Schmitz et Aurélien Girard ont eu la gentillesse de préalablement diffuser, et je les en remercie à nouveau, l'introduction au volume Vera Doctrina que j'ai coédité à Wolfenbüttel avec Wendy Imbach, Ulrich Schneider et Hermann Zelderholz, soit au passage une nouvelle association entre historien de la philosophie et historien de la théologie médiévale et moderne. Je tente dans ce texte l'esquisse de ce que devrait être une histoire de la notion de doctrine dans ses principales dimensions. Et je vais donc à présent revenir à cela. Histoire donc de la notion de doctrine, et par là nous entrons dans un domaine de sémantique historique, avec d'emblée une difficulté et une question. La difficulté, elle est liée à la prolifération de ce terme doctrina, j'y reviendrai dans un instant, prolifération qui fait que tout livre savant au Moyen-Âge et à l'époque moderne est virtuellement une doctrina, soit qu'il porte ce terme dans son titre même, soit qu'il se présente comme vecteur d'une doctrine. Voilà donc le problème que l'on rencontre immédiatement, cette espèce de jungle bibliographique qui apparaît devant nous dès qu'on cherche doctrina dans un catalogue de bibliothèque. Tâche, à vrai dire, folle. La question que je voudrais poser après ce constat de prolifération, c'est de quelle histoire, en définitive, la doctrine est-elle l'objet? On peut d'abord distinguer deux dimensions, donc les coordonnées les plus générales du problème, comme je les appelais tout à l'heure. Première dimension, la doctrine, l'histoire de la doctrine, excusez-moi, est une histoire des formes. Une histoire des formes au sens où toute doctrine se donne à l'observation comme un assemblage de vérités, comme le principe de la liaison entre ces vérités, ou, si vous préférez encore, comme le contour commun qui englobe ces énoncés tenus pour vrais. La question est donc celle de la forme de ce contour. On peut penser notamment à la métaphore du corps de doctrine, dont je cherche, et la tâche pour le moment n'est pas très simple, à chercher l'exacte incidence évangélique par rapport évidemment à la théorie du corps de l'Église. Donc une histoire des formes, forme de l'enseignement, forme du savoir et forme de la science. Mais cette histoire de la doctrine est aussi et simultanément une histoire des normes. Et là, je m'adresse à la doctrine comme nom et comme vecteur de l'orthodoxie. La doctrine comme vecteur et comme vérificateur de la conformité et de l'obédience. Puisque la doctrine, pensée comme norme, c'est non seulement un ensemble de normes d'écriture et de transmission, comment ça doit s'écrire et comment ça doit se transmettre, mais c'est aussi un ensemble de normes de foi, la doctrine comme norme d'appartenance à une ou à plusieurs communautés. On pourra donc parler de la doctrine comme charnière, comme objet charnière, entre une histoire du formatage des savoirs, au sens de leur mise en forme, d'une part, et d'autre part, une histoire des appartenances collectives, terme que je m'obstine à préférer à celui d'identité collective. En tout cas, on s'aperçoit immédiatement des nombreuses ramifications qui découlent de cette position charnière de l'objet doctrine, ramifications donc qui sont en nombre, puisque la doctrine va nous amener vers une histoire des clergés, vers une histoire de l'université, vers une histoire de la catéchèse, vers une histoire du contrôle et de la censure des idées, vers une histoire de la formation des sectes, des tendances et des écoles philosophiques, théologiques, scientifiques, vers une école des intellectuels et des savants, une histoire des intellectuels et des savants, que sais-je encore, ce sont là autant de lieux de doctrine qui peuvent être explorés. Si l'on revient à ce que je posais dans le premier moment, sous le nom d'une histoire de la vérité, je pourrais, à ce moment-là, présenter une autre manière pour la doctrine de faire charnière. La doctrine fait charnière entre une histoire de la vérité sous l'aspect des formes de la vérité et entre une histoire des valeurs de la vérité, c'est-à-dire de l'attachement que l'on se donne à la vérité, cette fois-ci sous l'aspect de la norme. Je redis cela encore autrement. La doctrine fait charnière donc entre une histoire des productions intellectuelles et une histoire des pratiques religieuses. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça? On a juste rapproché les domaines. Ce n'est pas le tout de dire que l'objet rapproche des domaines, et ce n'est pas le tout de simplement contempler ce rapprochement comme on contemplerait un retable ou un diptyque en disant pratique intellectuelle d'un côté, pratique religieuse de l'autre. Que se passe-t-il quand on regarde ce rapprochement? Si on procède plus dynamiquement, on dira que l'objet qui doit nous occuper, c'est précisément l'indistinction de la forme et de la norme, leur capillarité ou leur compénétration tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Je vais y revenir dans un instant, mais deux aspects de cette compénétration, ou de cette capillarité. D'abord sur le mode problématique, comment se fait-il que le vrai fasse norme? Je veux dire par là, comment se fait-il que le vrai oblige? Pourquoi devrais-je obéir à quelqu'un qui me dit « je te dis vrai » Pour en arriver à un objet plus concret, ce qui est intéressant dans cette capillarité, c'est d'observer la totalité de son spectre. Je prends toujours l'exemple du grand catéchisme de Petrus Canisius, 1555, donc l'objet de la reconquête catholique des territoires allemands. Et on oublie toujours que ce grand catéchisme, qui est vraiment un objet de reconquête, hein, et de reconquête totale des territoires, porte un sous-titre, Summa Doctrinae Christianae, qui est un sous-titre de somme théologique. C'est-à-dire que ici, la doctrine vous donne l'intégralité d'un spectre qui va d'un catéchisme, pas n'importe lequel, mais en vérité, on trouverait beaucoup de catéchismes beaucoup plus modestes, qui s'appellent aussi Doctrina Christiana, jusqu'à des sommes de théologie, jusqu'à des élaborations aussi savantes que celles de la haute scolastique. Je reviens à cette question de la normativité de la doctrine, à partir de la question que je posais à l'instant. La question que pose la doctrine, c'est celle du coefficient d'efficacité, pour ainsi dire, qui s'ajoute à toute vérité du simple fait qu'elle se constitue en doctrine. Et ce que je voudrais ici poser, on pourrait le désigner sous le nom de la question historique de la contrainte du vrai. Je reviens donc à ma question posée à l'instant. Pourquoi le vrai oblige-t-il? C'est une question de philosophie, mais je crois qu'il est impossible de la traiter autrement en regardant des objets historiques. Comment le vrai oblige-t-il ou comment le vrai a-t-il obligé? C'est, je crois, le fait massif de la doctrine en Occident et c'est, je crois, l'implication principale d'une histoire de la notion ou du concept de doctrine telle que j'essaie de la déployer ici. Cette histoire du concept de doctrine, on comprend que c'est une histoire du geste doctrinal, une histoire du faire doctrine, plus qu'une histoire des différentes doctrines. Je reviens, du coup, aux difficultés que l'on rencontre au moment où l'on veut rendre cette histoire, pour ainsi dire, opérationnelle. La principale difficulté, elle tient, je l'ai déjà dit, à l'omniprésence de la doctrine dans la période considérée. C'est une période qui irait en gros de 1300 à 1800. On a ici une autorité de la doctrine qui est à la fois unique, puisque la doctrine est le nom même de l'autorité, autorité unique et proliférante, au sens où tout ce qui est vrai est susceptible de faire doctrine. Tout ce qui est vrai est susceptible de se retrouver dans une doctrine. Il est donc difficile de s'y retrouver, et l'histoire de la vérité dont je parlais au départ se retrouve être la plus multiple qui soit. La seconde difficulté a l'attrait à l'extrême plasticité du terme, dans sa sémantique, dès, en vérité, l'usage latin classique. On a ici plusieurs enquêtes de lexicographie historique, une lancée par Henri René Marou en 1934 sur la sémantique de doctrina, en particulier dans les textes patristiques, et on peut mettre cette enquête lancée par Marou dans les années 30 en regard des études du père Congard. Beaucoup plus tard, c'est vraiment les derniers travaux du père Congard, au milieu des années 70, sur l'évolution sémantique de ces deux termes, docteur et magistère, docteur et magistérium. De ces différentes enquêtes, il ressort que la doctrina inclut tous les points de vue possibles, ou comme on dirait grammaticalement, tous les aspects. Je veux dire par là que la doctrina, c'est l'acte d'enseigner, mais aussi le contenu de l'enseignement, donc l'acte et son contenu, mais c'est aussi le résultat de l'enseignement, par exemple la culture qui procède de l'enseignement reçu. Et un exemple qu'on peut ici donner, et qui est en vérité le problème inaugural, comment traduisez-vous le titre de saint Augustin « De doctrina Christiana » ? C'est un vrai problème. Et une traduction allemande récente a proposé de traduire « de la culture chrétienne ». Puisque ce texte est effectivement un texte de doctrine qui dit des choses doctrinalement importantes sur la prédestination, mais c'est aussi un texte qui parle de la manière d'acclimater un certain nombre de disciplines savantes comme la rhétorique et la dialectique à l'enseignement chrétien. Alors pourquoi pas de la culture chrétienne, en effet. Mais la plasticité de la doctrina, en vérité, va encore plus loin. L'usage de doctrina et au Moyen-Âge et à l'époque moderne, en vérité, rend quasiment superflu toute tentative de définition. Celui qui se réclame d'une doctrine, c'est parfois, pas toujours d'ailleurs, ce que dit ou se coordonne la doctrine. Il sait aussi qualifier la doctrine, dire comment elle est, vraie ou fausse, vera, pourra, sana, doctrina, etc. Mais il est rare, en revanche, qu'il éprouve le besoin de préciser ce que c'est que la doctrine dans sa nature de doctrine. Pour le coup, on est sorti de l'histoire sémantique, de la sémantique historique ou de la Begriffsgeschichte à la Koselleck, qui est, petite méchanceté que je dis ici, qui est une histoire des définitions, ou le plus souvent, en vérité, une histoire des dictionnaires. Avec doctrina, on n'y arrive pas. Je conclue donc ici, cette deuxième séquence, sur une difficulté et sur un fait. La difficulté, elle est liée à l'évidence de la doctrine dans la période considérée. Que faire d'une telle évidence et que faire d'une telle domination symbolique de la forme et de la norme doctrinale, sinon éventuellement passer à l'autre extrême, ce qui serait une explication pour le succès de l'historiographie des dissidences. mais de rechef, on devrait s'apercevoir que la plupart des dissidences se donnent elles aussi comme des doctrines. J'en viens maintenant à un fait. Et je repars de cette constatation sémantique simple, qui est celle de la multiplicité des sens de la doctrina, on l'a vu à l'instant, multiplicité ou continuité des sens qui se laisse malgré tout donc relier. On a en effet une continuité de sens qui est fournie tout simplement par le dokéré de la doctrina. Dans tous les cas, on a affaire ici à de l'enseignement. Et je prends souvent l'exemple d'un manuel d'homilétique que j'étais allé chercher à Rostock, qui est un manuel d'homilétique luthérienne de 1602, extrêmement standard, extrêmement banal, d'un dénommé Daniel Kramer, et qui, après avoir expliqué que le sermon est avant tout une doctrina, c'est-à-dire que le prédicateur est avant tout un professeur, conclut par une sorte de formule faite pour faire rentrer ça dans les mémoires, le dictor du sermon, le dictor est un docteur. Le prédicateur est avant tout un docteur, quel que soit le public auquel il s'adresse. On a donc ce fait massif de l'enseignement qui présente ici la vérité comme quelque chose qui avant tout s'enseigne. Et c'est cela que dit la doctrina. Ce qui fait qu'on peut ici, je crois, poser à ce moment-là deux questions. La première, c'est celle qu'on posait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que le vrai oblige ? Question qu'on peut préciser et compléter maintenant par qu'est-ce qui fait que le vrai s'enseigne ? Je conclue sur cette deuxième séquence. La doctrine, vous l'avez vu, nous donne donc en une fois, pour ainsi dire, l'histoire de la forme et de la norme du vrai. Et nous avons vu que c'est une chance, d'une certaine manière, la chance de relier plusieurs historiographies dans un même objet. Mais nous avons vu aussi que c'est un problème. L'histoire de la doctrine dont nous entrevoyons ici la difficulté, cette histoire est potentiellement sans limite et donc sans contour, à raison même de l'omniprésence et de la plasticité du concept auquel nous avons affaire. Par là, nous retrouvons la difficulté que nous avions vue en introduction. En voyant partout le même objet, est-ce encore un objet que l'on voit ? Une première voie de dégagement s'est offerte dans les deux dimensions qui s'offrent comme les corrélats nécessaires de la forme et de la norme, à savoir la culture et l'enseignement. La doctrine est forme et norme, ou si vous préférez encore, une forme qui fait norme. Mais si la forme fait norme, c'est parce qu'elle renvoie à l'enseignement qui la transmet. Quand on parle de la doctrine comme forme, quand on parle de la doctrine comme forme, norme et enseignement, on a bien l'impression que la troisième notion, l'enseignement, est en retrait des deux premières. Mais en vérité, c'est le contraire qui est vrai. Dans une histoire de la doctrine, l'enseignement est peut-être le fait premier, celui qui fait de l'histoire de l'enseignement quelque chose comme une discipline fondamentale, architectonique, en tout cas j'en suis persuadé, pour la période moderne. Mais là non plus, toutefois, nous ne sommes pas au bout de nos peines. De quel enseignement parlons-nous ici ? Parlons-nous de l'enseignement que nous donnent à voir nos histoires de l'éducation, c'est-à-dire nos histoires des institutions et des acteurs de l'éducation ? Ou bien parlons-nous de l'idée de l'enseignement qui semble se déduire d'une histoire de la vérité comme enseignable. Je veux dire par là qu'il n'est pas sûr qu'il soit si simple de relier l'observation de terrain, ou disons des différents terrains éducatifs du Moyen-Âge et de l'époque moderne, de relier cela aux hypothèses plus générales d'une histoire de la vérité comme histoire de l'enseignement qui place en son centre la vérité comme doctrine. Donc, pour le coup, l'observation historique et la spéculation semblent ici se dissocier, et la fonction réunificatrice attribuée d'abord à l'objet doctrine trouver ses limites. J'en viens donc à ma troisième séquence, doctrines et pratiques, pour repartir du problème que je viens de poser. Ce problème, on peut le reformuler de la façon suivante. Quel rapport entre le concept de la doctrine comme marqueur d'une histoire de la vérité, et vous entendez Foucault, bien évidemment, dans ce que je dis, entre donc le concept de la doctrine comme marqueur d'une histoire de la vérité et, d'autre part, les pratiques de la doctrine, c'est-à-dire la production et l'inculcation du savoir sur un terrain et à une époque donnée. J'ai donc lâché le mot « pratique » et je m'avance ici sur un terrain tout à la fois familier et extraordinairement aventureux, celui des pratiques et de leurs supposés contraires, les doctrines, les théories ou les contenus de pensée. Alors il y a plusieurs voies pour avancer sur ce terrain. On pourrait procéder en marxiste et parler, comme Althusser, de pratiques théoriques. Le souci de la doctrine m'incitera toutefois à mettre mes pas dans une autre direction, celle de Michel de Certeau et de son article sur la formalité des pratiques. La formalité des pratiques, article de 1973, republié dans l'écriture de l'histoire en 1975. Le projet de Göttingen sur la doctrine, que vous avez bien voulu rappeler en commençant, a en effet inclus un moment de lecture approfondie de ce texte de Certeau sous la forme d'un atelier dont les actes ont été publiés avec Christian Jouot à Francfort en 2008. Je ne veux pas ici résumer l'article de Certeau non plus que ce que j'ai pu en dire. On me permettra néanmoins d'avoir ici d'abord une pensée pour un autre texte de Certeau sur le croire et le faire croire pour nous prononcer peu avant sa mort ici à l'École française de Rome. Je rappellerai seulement que cette étrange notion de formalité des pratiques chez Certeau, elle renvoie pour la France du dernier tiers du XVIIe siècle, c'est le terrain d'observation de Michel de Certeau, à un changement dans les pratiques. Les pièces de l'ensemble se mettent à tourner autrement, comme dit Certeau, mais aussi et tout à la fois à un changement dans la valeur accordée aux pratiques, dans leur aptitude précisément à identifier et à mesurer un changement dans l'histoire. Comme toujours chez Certeau, c'est extrêmement compliqué dans la formulation et c'est extraordinairement simple et profond dans la conception de l'idée. Donc regardons cela brièvement. Dans les termes de Certeau, la question préliminaire était, je cite, « Comment articuler une sociologie des comportements et une histoire des doctrines ?» C'est un problème qui est devenu traditionnel, et qu'on peut tout à fait traduire dans les termes de l'opposition entre pratique et représentation. Le fait est néanmoins que Certeau ne dit pas représentation, mais qu'il dit doctrine, et plus encore qu'il parle du code doctrinal, du fait doctrinal, ou de l'affirmation doctrinale dans la France classique et dans la France des Lumières. Code doctrinal, fait doctrinal, affirmation doctrinale, autant de formules qui m'ont mené à celle du geste doctrinal que j'utilisais tout à l'heure, et à présent donc, je paye ma dette. La particularité de la période envisagée par Certeau est qu'elle formule quelque chose qui ressemble à un primat des pratiques ou une priorité des pratiques. Cette priorité des pratiques, elle s'affirme d'abord en dehors des doctrines, par exclusion des doctrines. Et c'est la formule de Voltaire citée par Certeau, « Le dogme n'est rien, la morale est tout. » Plus d'orthodoxie, mais l'orthopraxie. Ça est bien connu. Ce primat des doctrines, des pratiques, il s'observe en outre de l'intérieur des doctrines, à l'intérieur même des doctrines, et cette fois-ci non plus par exclusion, mais par subversion. C'est la formule un peu plus compliquée de Certeau, du désorbitage des éléments doctrinaux et de leur attraction vers des pesanteurs sociales. Par là, Certeau veut dire que les doctrines, d'abord pensées comme des causes, apparaissent de plus en plus comme des effets ou des superstructures ou des instruments de cohérence, dit-il, propres et relatifs aux sociétés qui les ont produites. De plus en plus, donc, le contenu de la doctrine est corrélé à la place sociale de celui qui l'énonce. Tout cela nous est relativement familier et continue de motiver notre méfiance à l'égard d'une histoire qui ne serait qu'une histoire de contenu ou de représentation, histoire des idées, comme nous disons avec une pointe de mépris désormais, et avec la ferme conviction qui est la nôtre que ces contenus et ces représentations doivent être au minimum toujours reliés à autre chose qu'eux. Et tel serait alors le travail de l'historien. La grande force de Certeau et le grand apport de la formalité des pratiques, c'est toutefois de montrer que cette priorité des pratiques à l'âge classique non seulement ne s'oppose pas à la spécificité du fait doctrinal, mais que le primat des pratiques suppose une spécificité du fait doctrinal. Certeau en fait plusieurs démonstrations, la première consistant à suggérer que l'avancée des pratiques dans les têtes, à l'époque moderne, ne se mesure qu'au retrait des doctrines. Il n'y a ici pas d'autre indicateur possible, et il est frappant que le terme de doctrine revienne avec une régularité lancinante sous la plume de Certeau, à commencer donc par cette formule d'une histoire des doctrines rapprochée de celle d'une sociologie des comportements. La deuxième démonstration de Certeau tient à la transformation qui affecte les pratiques elles-mêmes, ce qu'il appelle leur formalité. Je lis ici un bref passage de Certeau. La pratique n'a probablement pas le même sens au cours des différentes périodes de l'histoire. Elle acquiert, au XVIIIe siècle, une fonction qu'elle avait à un bien moindre degré au XIIIe ou au XIVe siècle. L'effritement des croyances dans des sociétés qui cessent d'être religieusement homogènes rend alors plus nécessaires les repères objectifs. Le croyant se différencie de l'incroyant, ou le catholique du protestant, par des pratiques. En devenant un élément social de différenciation religieuse, la pratique reçoit une pertinence religieuse nouvelle. On se regroupe et on se compte en fonction de ce critère. Aujourd'hui, continue Certeau, lorsqu'elle tient la pratique pour la base d'une mensuration quantitative de la religion, la sociologie fait donc ressurgir dans la science une organisation historique de la conscience chrétienne. Fin de citation. À travers cette évocation de la sociologie religieuse et l'histoire sociale de la religion, on mesure les implications de cette transformation sur nos pensées, sur cette transformation des pratiques, sur nos pensées de la décristianisation et de la sécularisation, que nous mesurons donc avec des instruments qui sont restés des instruments chrétiens. Mais où sont passées ici les doctrines ? Je répondrai d'abord ceci. La réflexion de Certeau a tenté de se situer au lieu exact de l'opposition entre pratiques et doctrines et au moment exact où cette opposition a émergé historiquement. Il faudra donc dire que les pratiques s'opposent à quelque chose, les doctrines, dont la notion même a aussi une histoire. Et il faudra dire que cette histoire des doctrines enveloppe aussi celle des pratiques et de la valeur qu'il aurait accordée, jusqu'au choix, aujourd'hui, de les placer au centre du travail de l'historien. Ce choix, c'est aujourd'hui le nôtre, et il est probablement sans retour. Les pratiques prospèrent depuis 30 ans dans l'historiographie, et à vrai dire, mon rêve serait de rencontrer un historien qui avouerait ne pas du tout s'intéresser aux pratiques. J'en ai jamais trouvé. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Comme historien, nous déclarons que nous travaillons sur, au niveau ou en termes de pratique. Mais à la vérité, nous ne savons plus véritablement ce que nous voulons dire par là, sinon que nous sommes des historiens, que nous nous affirmons comme tels, et non pas, par exemple, des historiens du droit ou de la littérature ou de la philosophie ou de l'art, censés, eux, se spécialiser dans une analyse, comme on dit, purement interne, internaliste, décontextualité, sans à vrai dire, là non plus, comprendre très bien ce que cela veut dire. Question au passage, que veut dire contextualiser ? Moi, je ne sais pas. Je veux dire par là que l'invocation des pratiques est devenue une pure marque de reconnaissance corporatiste de la communauté des historiens. Et si elles sont devenues cela, c'est parce que nous ne savons plus à quoi les pratiques s'opposent. De là, je crois, et je conclue sur ce point, l'utilité d'une histoire de la doctrine. L'histoire de la doctrine, la doctrina, de la notion de doctrine, de la faire doctrine, du faire doctrine ou du geste doctrinal, donc selon ces différentes formules que j'ai essayées devant vous, cette histoire a une utilité critique. Avec elle, nous savons à nouveau ce que sont les pratiques, à quoi elles s'opposent, et nous le savons par un mouvement de clarification des concepts qui est de part en part un mouvement d'historicisation, historicisation parallèle des pratiques et des doctrines. Nous savons ce que sont les pratiques et à quoi elles s'opposent parce que, avec les doctrines, nous les corrélons au terme dans lequel, historiquement, est née cette idée selon laquelle une dimension du faire et de l'appartenir, les pratiques, pouvait et devait être distinguée aux profondeurs d'une dimension du penser et du représenter, doctrine. Nous sommes donc toujours ici à l'intérieur de notre histoire de la vérité, mais celle-ci me semble acquérir cette fois-ci une pertinence directe pour résoudre le problème que nous nous posions au début de ce troisième moment. En travaillant à une histoire de la doctrine, il me semble en effet que nous travaillons à poser dans ces termes exacts l'antinomie des pratiques et des représentations. Je vois là la possibilité d'un nouveau départ, à même nos sources, et, au passage, je sais que nous sommes dans un atelier de sciences sociales, mais tant pis, je me risque, à même la source, et sans emprunt obligé à des définitions étrangères des pratiques ou des représentations, que celles-ci soient anthropologiques, sociologiques ou autres. À mon avis, nous n'en avons pas besoin. L'histoire de la doctrina nous l'enseigne que nous n'avons pas besoin de ces définitions autant que nous le pensons. Plaidoyer, donc, pour l'autonomie de l'histoire, fait par quelqu'un qui n'est pas historien. Quatrième et dernière séquence, doctrine, droit et confession. J'en ai fini ici avec les remarques de méthode. Je ne voulais pas, en effet, conclure là-dessus. Mon souhait est plutôt de donner une idée de l'extension que l'on peut donner à une histoire de la doctrina. Et pour cela, je vais faire retour vers un de ces actes dont nous avons interrogé en commençant, ce voisinage ou ce compagnonnage si régulier qu'il a avec la formulation d'une doctrine. Je veux parler, avec cet acte, de la formulation d'une confession de foi, avec la question qui s'attachait à cet acte et que je posais tout à l'heure. Que gagne une vérité à être non seulement configuré en doctrine, mais aussi proclamé et aussi confessé. Je renoue donc ensemble doctrine et confession de foi, mais j'ajoute un troisième terme, le droit. Et pour cela, je me rapproche de mon terrain germanique habituel, en espérant tirer de la discussion que nous aurons quelques éléments de comparaison. Je reviens en vérité à 1530 et à ce moment identifié par Prodi, vous vous en souvenez, du tournant doctrinal du serment. Donc c'est ici que je me repose. C'est le moment donc de la confession d'Augsbourg, remise à Charles Quint par les princes protestants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En 1530, avec la confession d'Augsbourg, le genre théologique de la confession de foi entame un itinéraire à l'intérieur de l'appareil juridique d'un État. C'est cela qui se passe et c'est cela que je voudrais regarder. La paix d'Augsbourg de 1555, donc 25 ans plus tard, officialise une appellation confessionnelle, celle des affiliés de la confession d'Augsbourg. C'est ainsi qu'on appelle alors ceux qu'on nous appelons maintenant les luthériens ou les protestants, qui n'ont pas d'autre nom officiel, ce sont les affiliés de la confession d'Augsbourg. Cela veut dire que dès ce moment, donc la paix d'Augsbourg de 1955, le renvoi au texte d'une confession de foi est intégré dans le système du droit d'empire. Ici, je m'inspire des travaux du grand historien du droit ecclésiastique protestant, Martin Haeckel, professeur à Tübingen, et qui parle ici, je cite, et le terme doit nous intéresser évidemment, d'une norme et d'une norme de la référence à la confession de foi. Par là, il faut comprendre que la paix d'Augsbourg suppose connue les définitions doctrinales ou dogmatiques de la confession d'Augsbourg et qu'elle les dote d'une valence juridique. Et on peut voir ça sur un ensemble de dispositions juridiques extrêmement concrètes qu'on connaît pour la paix d'Augsbourg, le jus reformandi, le jus emigrandi, la suspension de certaines juridictions ecclésiastiques pour les protestants, etc. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de dire que la confession d'Augsbourg devient la confession de foi d'un empire, lequel reste évidemment à cette époque majoritairement catholique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la confession d'Augsbourg, à ce moment-là, ne devient pas davantage un texte de loi. Lorsque ce texte doctrinal de la confession d'Augsbourg est mentionné par les documents impériaux, et d'abord donc par le recès impérial de 1555, donc qui clôt la diète d'Augsbourg, la confession d'Augsbourg est toujours considérée sous les aspects de la religion, de la foi et de la doctrine. L'erreur, c'est comme ça qu'elle est appelée. Il reste que l'innovation est considérable parce que la doctrine dont il est ici question, elle institue rien moins que des sujets de droit. C'est directement la doctrine qui institue des sujets de droit à qui s'appliqueront les dispositions de la paix d'Augsbourg, le droit, par exemple, de réformer un territoire quand on en est le prince, ou le droit de quitter ce territoire quand on en est le sujet et que la confession imposée par le prince ne vous convient pas. On peut donc dire que l'adhésion à la doctrine de la confession d'Augsbourg identifie des ayants droit. Elle ouvre, et elle ajuste, un champ d'application du droit dans les matières de religion. Ce qui m'intéresse ici donc, c'est de montrer que la doctrine de la confession d'Augsbourg, elle ne dit pas le droit, elle n'est pas du droit, mais elle crée du droit. Ou comme le dit Haeckel, la confession d'Augsbourg est à la fois, je cite, un document théologique et un instrument juridique. Le texte, de fait, définit théologiquement une doctrine. C'est la formule qu'on voit apparaître au début de cette confession. Oferimus in hac causa religionis nostram confessionem, cuius modi doctrinam, ex scripturis sanctis et puro verbo Dei, apud nos tradidere. Donc c'est vraiment une doctrine, et chaque article commence par le même gimmick, hein, apud nos docet. Chez nous, les prédicateurs disent, enseignent. Donc c'est vraiment un texte qui définit théologiquement une doctrine. Et en même temps, ce texte fixe le repère à partir duquel les juridictions d'empire vont pouvoir statuer sur les cas qui leur seront soumis. Je me rapproche de ma conclusion. Je montrerai par là un cas particulier de la normativité de la doctrine. La paix d'Augsbourg, donc cet événement historique, je le prends ici simplement parce qu'il a inauguré une nouvelle présence de la doctrine dans le droit. Et encore une fois, ici je n'entends pas la doctrine au sens de l'ensemble d'opinions émises par les juristes, c'est la définition que vous donniez tout à l'heure, hein, sur une règle ou sur un cas particulier, on l'utilise encore aujourd'hui, mais bien la doctrina théologique prélevée, je cite à nouveau, « ex scripturis sanctis et puro verbo Dei ». Cette doctrine et cette confession ont pris comme telle une valeur juridique dans l'Empire. Le serment que l'on fait sur ces confessions de foi, j'y reviens, fait apparaître la singularité de ce cas de figure. En jurant sur une profession de foi, en apposant ma signature au bas du texte de cette confession de foi, je jure ma conformité à une doctrine. Je jure ma conformité à un enseignement. Et cette conformité de doctrine est supposée garantir ma loyauté à un prince qui défend et qui représente cette institution dans les institutions de l'Empire. Je vais finir ici par une question. qui est en vérité toujours la même. Qu'est-ce qui, dans mon orthodoxie même, qu'est-ce qui, dans mon obédience doctrinale, pourra fonder mon obéissance au Dieu du souverain? Comme le disait Schreiner à propos du serment de religion, le Juramentum Religionis, nous butons ici sur l'une des évidences les plus obscures du pouvoir. C'est la question que je posais tout à l'heure. Comment se fait-il que la vérité oblige? Comment se fait-il que la vérité s'enseigne? Et comment se fait-il, troisièmement, que la vérité semble obligée d'autant plus qu'elle s'enseigne? En sollicitant ainsi, je conclus, les ressources juridiques de la confession, on ne fait sans doute en vérité que graviter autour de l'énigme de la politique moderne et son fondement religieux. Mais ce qui m'intéresse, et c'est une des applications que je voulais donner au problème de la doctrine, c'est que on aura vu que la norme juridique moderne, elle s'approche précisément à partir de ces notions de confession et de doctrine. Je vous remercie.